Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, les dernières traces du régime seigneurial au Québec. La seigneurie, à mon avis, c'est le dernier des biens dont le séminaire devrait songer à se départir. Peut-être se départir de quelques édifices ici dont on n'a plus besoin, mais pas la seigneurie. Pas la seigneurie. Il reste encore aujourd'hui des traces du régime seigneurial au Québec. L'un des meilleurs exemples est celui de la seigneurie de Beaupré, propriété du séminaire de Québec et dont nous parlait le chanoine Jacques Roberge dans l'extrait qu'on vient d'entendre. C'est Mgr François de Laval qui achète la seigneurie de Beaupré à la Compagnie des Saints Associés en 1662. Et c'est cette seigneurie qu'on appelle aussi les terres du séminaire qui fait encore aujourd'hui plus de 1600 kilomètres carrés. Le régime seigneurial a été aboli en 1854, mais il en subsiste pourtant, encore aujourd'hui, de rares, mais de parfois très tangibles traces. En ce dernier quart du 19e siècle, il n'y a plus de seigneurie, il n'y a plus de seigneur, mais les habitants sont encore 20 ou 30 ans après l'abolition du régime seigneurial à se racheter à prix d'argent, ou bien continuent comme ci-devant de payer aux ex-seigneurs des rentes annuelles qu'ils appellent toujours rentes seigneuriales. D'ailleurs, au moment où nous parlons, 125 ans après l'abolition du régime seigneurial, il reste encore des terres qui ne se sont pas libérées de ces rentes. Les habitants continuent de payer, non plus aux ex-seigneurs, mais aux municipalités. Et en certains endroits, on continue de qualifier ces rentes de rentes seigneuriales. C'est un extrait de l'émission « Présence du passé » qui date de 1979 qu'on vient d'entendre sur la musique de tête reconnue de la télésérie Marguerite Volant. Télésérie, je vous le rappelle, qui nous parlait de l'histoire de la seigneurie des Volants après la conquête britannique et le traité de Paris de 1763 pour nous raconter l'histoire du régime seigneurial au Québec, mais aussi les traces qu'il en reste encore aujourd'hui. Mon invité est Benoît Grenier, professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke, auteur des livres « Une brève histoire seigneuriale » publié chez Boréal en 2012 et Nouveau regard en histoire seigneuriale au Québec, publié tout dernièrement chez Septentrion. Benoît Grenier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On évoque dans cet extrait qu'on vient d'entendre, le régime seigneurial, il est aboli en 1854 et pourtant donc des rentes seigneuriales continueront d'être perçues jusqu'au 20e siècle, jusqu'à quoi, dans les années... 1970. Comment est-ce que ça a pu être possible? En fait, si le régime seigneurial nous vient de France, son abolition a connu une fin absolument opposée à celle qu'il a connue en France, c'est-à-dire avec la Révolution. Ici, loi d'abolition par le Parlement du Canada uni en 1850. Qui vise le respect de la propriété privée dans l'esprit libéral du 19e siècle et qui dit respect de la propriété, dit indemnisation pour les seigneurs. Donc, ça veut dire qu'il y aura des premières indemnisations, puis ça prendra quelques lois, puis on y reviendra, mais il y aura des traces, donc, et des rentes payées. Parfois, c'est quelques sous, là, mais jusqu'en 1970. Commençons par le début. Ça arrive quand chez nous, ce régime seigneurial? 17e siècle. En fait, dès le 16e siècle, quand Jacques Cartier vient avec Robert Val dans les années 1540, on prévoit, la couronne française prévoit qu'on pourra mettre en place des seigneuries. Mais finalement, les premières tentatives de colonisation sont des échecs. Alors, il faut attendre après l'époque de Champlain, si vous voulez, dans les années 1620. Dans quelques années, là, on va commencer à commémorer les 400e anniversaire des premières seigneuries. 1626, 1627, on a vraiment là les premiers fiefs. Une seigneurie, un fief, c'est la même chose, sont concédés surtout autour de la ville de Québec, qui est le premier noyau de peuplement. C'est l'héritage direct de ce qu'on a connu en Europe, en France, mais ailleurs aussi, le fameux régime féodal. Tout à fait. Quand on pense à la seigneurie, au seigneur, on pense à l'époque des châteaux, des chevaliers, au Moyen-Âge, bien sûr, 10e, 12e siècle, c'est l'âge d'or de la féodalité. Le régime seigneurial, il a évolué dans la société française entre le Moyen-Âge et la période moderne, donc le 16e, 17e siècle, au moment où se met en place la Nouvelle-France. Mais la seigneurie, comme organisation sociale et comme organisation du territoire demeure incontournable. En France, on dit « nulle terre sans seigneur » pour déterminer, pour désigner l'omniprésence du cadre seigneurial. Il y a de rares exceptions et cet adage « nulle terre sans seigneur » va être tout aussi exact en Nouvelle-France où toute terre sera seigneuriale, toute terre occupée par les Français, en ville comme à la campagne d'ailleurs. Et c'est quoi, de fait, la fonction? Il y a le découpage territorial, mais il y a plus que ça. Il y a l'organisation sociale, le développement économique. C'est quoi la fonction de la seigneurie? C'est d'abord un cadre d'organisation de l'espace, un cadre qui régit les rapports entre personnes. Parce qu'on a souvent réduit la seigneurie à sa dimension territoriale. Puis c'est tout à fait naturel. Quand on lit les travaux de Marcel Trudel, éminent historien du 20e siècle, évidemment, la seigneurie, on imagine ces grands rectangles perpendiculaires. On pense à la géographie du territoire. Mais ça n'a rien de seigneurial. Parce que vous allez en Louisiane, vous allez au Manitoba, partout où les Canadiens français ont colonisé par voie d'eau, on a mis en place des lots de rivières comme ça, qu'on a arpentés parce qu'il fallait accéder à sa terre. Ça, c'est tout à fait naturel. Ça n'a rien de seigneurial. On regarde n'importe quelle carte française. C'est géographique. Ça n'a absolument pas. C'est une adaptation au territoire, à l'hydrographie notamment. La seigneurie, c'est d'abord et avant tout un rapport entre individus. C'est un cadre foncier de propriété de la terre avec un rapport d'inégalité, un rapport de hiérarchie entre un homme, le seigneur, qui est un supérieur, et des censitaires qui possèdent des terres. Et sous l'Ancien Régime, la propriété, elle n'est jamais simple. On n'est pas locataire ou propriétaire comme aujourd'hui quand on doit cocher dans un recensement. On est à la fois les deux, si vous voulez. Le seigneur, il a des droits sur un fond de terrain, mais il a aussi des devoirs envers le roi. Et au même titre, le censitaire qui a obtenu ou dont l'ancêtre a obtenu une terre sur une seigneurie X, Y, Z, il possède sa terre. Il peut faire ce qu'il veut avec. Il peut la léguer en héritage, il peut la morceler, l'hypothéquer, la louer. Mais attention, pèse toujours sur cette terre des droits seigneuriaux qui sont redevables annuellement et à l'occasion, si la terre est vendue, par exemple, pèse la banalité, les droits, le monopole entourant le moulin banal. Tout ça parce que la terre, elle n'a pas été louée, elle n'a pas été vendue, elle a été concédée aux censitaires à l'origine. Évidemment, il y aura des variations. Ce système seigneurial qui nous vient d'Europe est adapté à notre réalité en Nouvelle-France. Ce sera différent, entre autres, d'une certaine manière, en tout cas, dans les rapports, dans le type de relation qu'auront les seigneurs avec les censitaires. Ce sera peut-être un peu différent de ce qu'on a vécu en Europe. On écoute à ce sujet, puis on en discute tout de suite après, l'historien de l'Université Laval, Fernand Ouellet, dans une entrevue qu'il accorde en 1963. En exportant le régime seigneurial, on n'a pas exporté en même temps une classe de seigneurs qui aurait eu une longue tradition. Par conséquent, le système va se développer d'une façon différente ici parce que très vite, on sera obligé d'ennoblir des marchands, des individus méritants, mais qu'il n'y aura pas véritablement une noblesse très puissante comme support social de ce nouveau système. Il y a d'autres facteurs extrêmement importants aussi qui ont joué. Le commerce des fourrures, par exemple, est un facteur qui attire. Il y a un mythe de l'Ouest à l'époque. Le commerce des fourrures promet la richesse, il promet aussi des aventures. Les habitants et les seigneurs sont également attirés par la course des bois. Qu'est-ce qu'il arrive? C'est que les seigneurs vont se désintéresser de leur seigneurie. Alors, Benoît Grenier, qui seront nos seigneurs, qui seront ces seigneurs coureurs des bois en Nouvelle-France? Oui, n'en déplaise à Fernand Ouellet, les seigneurs à la base, au 17e siècle, représentent ces privilégiés de la société française de l'époque. C'est-à-dire la noblesse, fondamentalement, demeure très, très bien lotie. Une noblesse qui n'est pas la grande aristocratie française, entendons-nous tout de suite, et dont certains anoblis, mais aussi le clergé, l'Église. On revient donc à cette seigneurie de Beaupré qui possède encore aujourd'hui le séminaire de Québec. Donc l'Église, la noblesse, ajoutons bien sûr des individus plus modestes qui accèdent à la propriété seigneuriale par des moyens un peu étonnants, parfois des gens qui n'auraient certainement jamais pu être seigneurs en France et qui le deviennent par la force des choses. Un Louis Joliette qu'on remercie pour avoir, dit-on, découvert le Mississippi, on lui donne l'île d'Anticosti. C'est quand même un beau cadeau. Ouais. Alors, des individus comme ça qui ont fait un peu leur mérite, si vous voulez, et puis au fil du temps, plus la seigneurie se peuple, plus ça devient rentable. Parce qu'une seigneurie, à l'origine, c'est quoi? C'est un bout de forêt qu'on a découpé théoriquement sur une carte. La forêt n'a pas de valeur au 17e siècle. C'est-à-dire qu'une terre n'a de valeur que lorsqu'elle est mise en valeur par ses seigneurs. Alors, au 18e siècle, quand la colonie devient plus peuplée, alors là, les seigneuries, on en concède moins. Et elles deviennent plus rentables et on les achète. Alors là, la bourgeoisie marchande, par exemple, et on le verra après la conquête, les Britanniques seront nombreux à se porter acquéreurs de seigneuries parce que la question à retenir, c'est c'est qu'on n'abolit pas la seigneurie. Mais les rapports sociaux, donc, sont quand même dans notre contexte ici, parce qu'on a, souvent dit, oui, mais bon, on n'a pas les seigneurs, puis c'est un petit peu ce que M. Ouellet disait, que c'est pas les nobles de la vieille Europe, ils habitent au cœur de leur, avec les habitants sur leur terre. Oui, mais non, ça reste quand même un rapport... C'est quand même un rapport hiérarchisé, de toute évidence. Le paysan, quoi qu'on en ait dit sur sa liberté présumée, il a conscience de son infériorité. Ouais. Évidemment, tous les seigneurs ne sont pas de grands seigneurs, mais il y a beaucoup de mythes associés à la question seigneuriale. Le principal, à mon avis, c'est celui qui dit que le seigneur tient feu et lieu sur sa seigneurie. Ma thèse a montré que ce sont les trois quarts des seigneuries qui n'ont jamais connu un seigneur qui vit sur sa terre. Ah ouais. Alors d'abord, les religieux, évidemment, ils ne sont pas là. Ils sont dans leur couvent, leur monastère en ville. Les Ursulines de Québec, les Augustines de Québec, elles ont des seigneuries, mais elles sont cloîtrées. Comment on fait pour administrer une seigneurie quand on est cloîtré dans son couvent? Et ceux qui, les grands marchands qui sont à la ville, ils possèdent des seigneuries, mais ils n'y habitent que très rarement. Les obligations, par ailleurs, du seigneur, bon, celle-là qui n'est pas respectée d'habiter sa seigneurie, mais en un mot, qu'est-ce que doit fournir le seigneur? Théoriquement, il doit donner des terres à quiconque en fait la demande. Hein? Bon, premièrement, il doit mettre en valeur sa seigneurie. Il doit rendre des chemins disponibles, construire un moulin. Ça, c'est une très, très grande question. Mais il faut parfois des décennies, voire même un siècle, entre le moment où on concède une seigneurie à un seigneur et où un moulin est construit. C'est l'offre et la demande. Hein. Il y a peu d'habitants, donc ce n'est pas rentable de mettre en place ces infrastructures-là. Donc, beaucoup de seigneurs sont négligents. Mais est-ce qu'ils sont négligents volontairement ou parce que les circonstances sont peu propices? On pourrait longuement en débattre. Quelle nouvelle me rapportes-tu? La Nouvelle-France a été cédée à l'Angleterre par traité. Traité de Paris. Nous sommes maintenant une colonie anglaise. Extrait à nouveau de la télésérie Marguerite Volant, réalisée en 1996 par Charles Binamé. Gilbert Sicotte, qui dans cet extrait, Benoît Grenier, s'inquiète du sort qui attend sa seigneurie, puisqu'il y a eu cette fameuse conquête. Vous l'avez rapidement évoqué il y a un instant. Les seigneuries vont survivre à la conquête au régime britannique. Pourquoi? Ben, d'abord, il a raison de s'inquiéter, le seigneur Volant, parce que au moment même où survient le traité de Paris et la proclamation royale de 1763, tout laisse à penser que les Britanniques vont mettre en place leurs propres institutions, vont établir des terres en franc et commun socage, libres de droits seigneuriaux. Quand on connaît a posteriori l'histoire, évidemment, on sait qu'il a eu tort de s'inquiéter, puisque les seigneurs, le pouvoir britannique qui se met en place, les premiers gouverneurs, Murray, puis Carleton, vont s'appuyer sur cette aristocratie seigneuriale, du moins sa partie qui demeure dans la colonie. Parce qu'on connaît tout le débat entourant, y a-t-il eu exode de la noblesse, de l'élite au moment de la conquête, mais les familles sont disloquées. Ceux qui restent ici vont évidemment être des appuis très importants pour ces nouveaux venus britanniques. Et vont accepter cette espèce de collaboration que leur propose... Ben, ils sont pragmatiques. Ouais. Ils n'ont pas le choix. Soit ils partent en France, ce que plusieurs vont essayer de faire, et il y a des allers-retours. Hein. Ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Certains partent. Ils s'aperçoivent que la France n'a pas mieux à leur offrir. On les confine à la petite région de la Touraine pendant quelques années. Et beaucoup d'entre eux vont revenir, vont s'appuyer sur leur seigneurie, qui deviennent à ce moment-là aussi peut-être plus rentables. Et les Britanniques eux-mêmes seront extrêmement intéressés à la propriété seigneuriale, quoi qu'ils en aient dit avant la conquête, dans une visée libératrice d'une nouvelle France soumise à l'archaïsme et à la tyrannie des seigneurs, les Anglais vont apprécier à la fois le prestige et les revenus qui viennent avec un titre de seigneur. Vers 1850, et ça c'est Fernand Ouellet qui l'a écrit dans un texte ultérieur à ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est la moitié des seigneurs qui sont des Britanniques, Anglais, Écossais, Irlandais. C'est un bon système. C'est rentable pour ceux qui sont seigneurs. Les Britanniques le comprennent bien. Cela dit, 1854, c'est le début d'une très, très, très longue fin du régime seigneurial. Officiellement, tout devait finir à ce moment-là. Il y a une loi qui abolit le régime seigneurial. Tout à fait. Ça fait des décennies qu'on en débat. Le régime seigneurial, sur le plan de la propriété, sur le plan de la liberté d'entreprise, du capitalisme marchand, en milieu urbain en particulier, c'est un obstacle. À peu près tout le monde s'entend là-dessus. Et donc, il faut abolir. En 1854, on a fini par adopter une loi qui est une loi dite d'abolition, hein, abolition des droits et devoirs féodaux dans la province du Bas-Canada. Mais dans les faits, cette loi, pour laquelle on pourrait dire qu'il y a un fort quand même lobbying seigneurial qui est à l'œuvre, va fortement indemniser les seigneurs. Plusieurs ont craint les suites de la chose, une indemnisation sans compensation, comme ce qui s'est passé en France à la Révolution. Ce ne sera pas du tout le cas ici. Alors, une indemnisation, on peut dire en deux volets, qui représentent les deux volets de la propriété seigneuriale. Le seigneur, il a son domaine, donc les terres qu'il a à lui et toutes les terres non concédées. Et le seigneur, il maintient des droits sur toutes les terres qui ont été concédées au fil du temps. C'est ce qu'on appelle la mouvance de son fief. Alors, d'une part, on va dire, mais pour tous ces droits qu'il perd, la banalité, les lots et ventes, les censes et rentes, alors il faut tout indemniser, même les corvées. Des corvées qui pouvaient être prévues dans des contrats de concession du 17e siècle. On va tout chiffrer, tout monnayer pour indemniser les seigneurs. À l'époque, on a environ un 5 millions de dollars, argent de 1860 à peu près, qui est distribué entre les seigneurs. On laisse un droit à racheter par les censitaires eux-mêmes, et c'est la rente seigneuriale. Et c'est cette rente qu'on ne forcera pas à racheter en un coup. Alors, on a parfois entendu, les gens ont racheté, les gens vont me dire ça, mon arrière-grand-père a racheté sa terre. Ils n'ont pas racheté leur terre, ils ont racheté le capital d'une rente qui était payable annuellement. Mais on ne les oblige pas, on leur laisse le choix. Ou bien vous rachetez le capital maintenant, ou bien vous continuez à payer à perpétuité, jusqu'à ce que vous ayez payé le capital devant notaire et obtenu quittance. Et donc, ça va continuer, cette rente-là va continuer, cette rente seigneuriale va se perpétuer dans le temps, ce qui nous amène aux années 1935, par là. À Québec, on se dit ça n'a plus de sens. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, en 1926, le député et maire de Saint-Hyacinthe, Télesphore Damien Bouchard, qui est un libéral progressiste, moderniste, aussi anticlérical, qui siège pourtant dans le gouvernement de Taschereau, qui est lui-même partie prenante d'une grande famille de la noblesse seigneuriale. Mm-hmm. Plusieurs de nos premiers ministres, jusqu'à Philippe Couillard d'ailleurs, elles sont issues de ces grandes familles de la noblesse seigneuriale. Alors, Tédé Bouchard nous dit, on a une situation d'inégalité dans le Québec. Dans les cantons, il n'y a plus d'histoire de rente seigneuriale. Dans les anciennes seigneuries, une majorité paye encore des rentes. Moi, j'ai pu chiffrer avec Michel Morissette, qui a travaillé avec moi là-dessus, que c'est environ 80% des montants qui étaient dus au 19e siècle qui sont encore payés en 1935-1940. Donc, il faut faire quelque chose et ça va prendre quand même du temps. En 1935, on adopte une loi qui vise à abolir les rentes seigneuriales. On les appelle toujours comme ça, même si théoriquement, légalement, ce ne sont plus des rentes seigneuriales. Et la loi, arrive l'Union nationale, un petit intermède de 4 ans. En 1940, les libéraux reprennent le pouvoir et le processus se met vraiment en branle. Et la loi de 1940, elle prévoit la fin de la relation seigneur-censitaire. Mm-hmm. C'est-à-dire que vraiment, moi, je trouve que 11 novembre 1940, le 11 novembre, vous savez, c'est la Saint-Martin d'hiver. Depuis des temps immémoriaux, après les récoltes, c'est la date à laquelle on va payer ses droits seigneuriaux. Alors, on payait toujours le 11 novembre au seigneur ou à son représentant. Puis en 1940, 11 novembre, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois, c'est la fin de la relation, on pourrait dire féodale, d'accord? La relation personne à personne, mais c'est pas fini des rentes seigneuriales pour autant. Par ailleurs, ça va se poursuivre malgré tout jusqu'en 1970. Oui, parce que la loi de 1940 municipalise la rente. C'est-à-dire, dorénavant, on ne veut plus que les gens aient payé aux seigneurs, mais on indemnise une dernière fois les seigneurs. On leur envoie des chèques, des centaines de chèques à des centaines de seigneurs entre 1940 puis 1950. La rupture est consommée, mais le censitaire, lui, il continue à payer une rente qui est dorénavant une taxe municipale, une partie de son compte de taxe municipale pour rembourser la municipalité qui est. Ouais, si on fait une histoire courte, on pourrait résumer comme ça. Bon. Donc, la partie rente, Benoît Grenier, elle est réglée, il n'y en a plus aujourd'hui, mais il reste quand même encore aujourd'hui des traces de ce régime seigneurial, d'abord sur le plan matériel. Oui. Il y a des territoires. On parlait de la seigneurie de Beaupré au tout début de l'émission. C'est une des grandes seigneuries qui existent encore. On écoute à nouveau le chanoine Jacques Roberge qu'on entendait au tout début de l'émission. Il évoque la valeur économique, ce que ça veut dire pour le séminaire de Québec, cette fameuse seigneurie de Beaupré. La seigneurie, c'est un patrimoine matériel excessivement important dont le séminaire ne se départirait pas. Je dois vous dire que j'ai eu des approches informelles que je n'ai même pas analysées. Je ne sais pas si elles étaient sérieuses, mais des approches d'hommes d'affaires qui voulaient servir d'intermédiaire pour transiger la seigneurie. Je n'ai même pas voulu penser à ça. Même pas. C'est, à mon avis, c'est le dernier des biens dont le séminaire devrait songer à se départir. Peut-être se départir de quelques édifices ici dont on n'a plus besoin, mais pas la seigneurie. Pas la seigneurie. On veille sur l'héritage de François de Laval. Oui, c'est un héritage qui est très, très précieux. Très précieux. Et on l'a grâce au génie de François de Laval, qui n'était pas seulement un pasteur extraordinaire, un homme dévoué, un homme de charité, mais il était aussi un homme d'affaires, un homme de vision, un homme d'audace. Et c'est ce qu'il nous a légué. Bon, en plus du patrimoine immatériel, il nous a légué ce patrimoine matériel auquel on veille comme on veille sur un bien de famille. Donc, attachement sentimental, historique du chanoine Roberge à cette seigneurie de Beaupré, mais une considération économique aussi très importante, Benoît Grenier. Qu'est-ce que ça représente pour eux, par exemple, pour le séminaire de Québec, concrètement, cette seigneurie de Beaupré? Écoutez, c'est un revenu considérable. C'est immense. C'est 1600 km² de forêt de propriété privée. C'est plus grand que 55 États sur la planète. Je m'étais amusé à faire la comparaison. Et en fait, ça, ce sont les terres dans la vaste seigneurie de Beaupré, qui va des chutes Montmorency jusqu'aux éboulements, qui n'avaient pas été concédées. Ouais. Hein, parce que c'était pas des terres propres à l'agriculture. Mais forêt, camp de chasse et pêche, et éolien maintenant. Alors, c'est un des plus grands parcs éoliens au Québec, sur les hauteurs, développé par le séminaire de Québec en collaboration avec des entreprises spécialisées dans le domaine. Donc, c'est un fonds, c'est énorme là, ce que ça représente pour le séminaire. Bon, il y a ce volet, ça c'est le meilleur exemple, la seigneurie de Beaupré, très matérielle. Il y a le volet immatériel, la tradition, la mémoire, l'attachement sentimental, le sentiment d'appartenance à cette vieille tradition seigneuriale. Là-dessus, vous faites des recherches où vous rencontrez justement des gens qui ont un lien, des descendants d'anciens seigneurs. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces gens-là? Qu'est-ce qui reste pour eux de cette tradition seigneuriale? Il y a un grand attachement. Un grand attachement qui est filial, hein, c'est la famille, d'abord et avant tout, et ça donne que ces familles-là ont possédé des propriétés foncières. Il y a des valeurs aussi qui se sont transmises de génération en génération. Certaines sont des grandes familles de la bourgeoisie, comme les Dessol, qui sont alliées aux Papineaux. Mm-hmm. D'autres sont des familles qui descendent de la noblesse. On a encore des Saint-Ours, des Juchereau du Chesnay, ou de ces grandes familles, Lobinière-Howard, ici à Vaudreuil, pas très très loin. Mais on a aussi des familles plus modestes qui ont été partie prenante dans leur communauté pendant des siècle. Je pense au Rioux à Trois-Pistoles où on va encore appeler Madame Anita Rioux, qui a 95 ans bien sonné, la seigneuresse. Vraiment? C'est quand même significatif. On est au 21e est siècle. Encore là. Le titre est encore utilisé dans certaines communautés. Il a encore un sens actuel. Est-ce qu'il y a d'autres, j'allais dire vestiges, mais privilèges, par exemple? Théoriquement, la loi d'abolition, s'il y a une chose qu'elle n'a pas compensée, c'est les droits honorifiques. Ouais. Toutefois, dans les faits, là où la famille seigneuriale était résidente, on a continué à lui conférer ses honneurs longtemps après l'abolition. On peut penser au fait d'être enterré sous l'église, sous son banc seigneurial. Philippe Aubert de Gaspé, seigneur et auteur bien connu, est enterré à Saint-Jean-Port-Joli, mais lui, il meurt en 1871. Il y a 2 ans encore, à Vaudreuil, l'église Saint-Michel, on a inhumé sous l'église une descendante de la famille Lobinière-Harwood, qui a encore sa chapelle et son caveau seigneurial sous le banc. Après tous ces épitaphes qui commémorent les seigneurs du 19e siècle, eh bien, on continue de perpétuer cette tradition, notamment lors des seigneuriales de Vaudreuil-Dorion qui se tiennent tous les ans au mois de juin. Si on veut en savoir plus sur les traces qui restent encore aujourd'hui de ce régime seigneurial, il faut en référer à vos livres. Benoît Grenier, merci beaucoup. Historien, enseignant à l'Université de Sherbrooke, auteur du livre « Nouveau regard en histoire seigneuriale au Québec » qui vient tout juste d'être publié chez Septentrion. Merci infiniment. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp, à la prochaine.